le paradis ou l'enfer. Le paradis ou l'enfer. Le paradis ou l'enfer. Le jeune roi, j'ai beaucoup de poids dans les rues. V.O. J'ai eu mon dû. Comme un empereur avec terreur. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vécu. J'ai porté ma croix, faisant mes 13 pas. Ils ont voulu me crucifier dans la rue. Par la faute de l'amitié, je suis devenu ce que je suis. Pour les délateurs et les haïsseurs. L'enfer, comme le calumet de la paix, faut brûler à l'intérieur. Vrai, reconnais vrai, la rue parle. À qui de droit, qui n'est pas négro. Seuls les vrais portent ceux d'un roi. Le paradis ou l'enfer, chacun leur foi, différents choix, différentes lois, au nom du Père ou de Lucifer. Le paradis ou l'enfer, le paradis ou l'enfer, chacun leur foi, Jésus, Allah ou Belzébuth, différents choix, différentes lois, au nom du Père ou de Lucifer. Le paradis ou l'enfer. Le paradis ou l'enfer, chacun leur foi, différents choix, différentes lois, au nom du Père ou de Lucifer. Le paradis ou l'enfer. Je ne fais pas de politique, maintenant ta vérité est dévoilée au grand jour. Arrêtez de mentir. Bande d'hypocrites, arrêtez de voiler. Vous cachez derrière vos ONG. Cela existe depuis toujours. La vente nègre aux marchands le plus offrant. Et j'en passe. Société secrète, tout est véridique. Frère maçonnique, vous rituel satanique. Le paradis dans nous, au nom du Père, c'est l'enfer sur cette terre. Le paradis ou l'enfer, chacun leur foi, différents choix, différents lois, au nom du Père ou de Lucifer. Le paradis ou l'enfer, le paradis ou l'enfer, chacun leur foi, Jésus, Allah ou Belzébuth, différents choix. Différents choix, le paradis ou l'enfer.